Défi Sport sur Fadjet. Ici, on parle uniquement de sport féminin. Bonjour, bienvenue dans Défi Sport, l'émission qui donne la parole aux filles qui font du sport. Moi c'est Cécile et aujourd'hui je reçois Katharina D et Marie-Eva Nizi pour parler esprit d'équipe et cohésion. Allez, c'est parti. Alors bonjour Katharina, bonjour Marie. On va commencer par les présentations. Marie-Eva, joueuse au roller derby dans le club roller derby Nancy, et je te laisse la parole pour te présenter. Merci. Et du coup, c'est Marie-Eva, comme tu viens de le dire. J'ai 30 ans et aussi dans le roller derby, on a tout ce qu'on appelle des derby names. Oui, beaucoup d'anglicisme dans le roller derby. Et c'est Karma Sutura. Karma Sutura. D'accord. Karma Sutura, ouais. Sutura parce que ça t'est déjà arrivé. La petite blague, c'est que si tu te frottes à moi, le karma fera que tu te retrouves avec des points de suture. Ah ouais, on n'est pas loin de la Lorraine qui se frotte, qui s'y pique, c'est encore plus dangereux. D'accord. Alors, ça fait combien de temps que tu fais du roller derby? Alors, du coup, j'ai commencé en 2019, avant le Covid, mais je ne savais pas patiner, à Roller Derby Sarreguemines. C'était les Mechanical Dolls. Et je suis à Nancy depuis 2021, donc je compte depuis là la période où vraiment je fais du roller derby, parce que c'est vraiment là où j'ai commencé à faire du contact et à progressivement faire des matchs et réussir mes MS. Les MS qui sont des minimum skills, les compétences minimum à devoir avoir pour faire des matchs. Il faut vraiment être bilingue, quoi. Non, je te jure qu'il n'y a pas besoin d'être bilingue. Donc toi tu faisais du... La question que je me posais c'était est-ce que tu faisais du patin et t'es venu au roller? Non, tu t'es mis au patin pour faire du roller. Du roller derby. Ah oui, mais non, là je me suis mise pour faire du roller derby. Ouais. Voilà, d'accord. Et comment t'as eu connaissance de... Enfin comment t'es venu au roller derby? Alors j'étais à l'IECA, j'étais en études culturelles à la fac de lettres et une partie était à l'IECA et j'ai des amis qui ont fait un documentaire sur l'équipe de roller derby de Nancy. D'accord. À l'époque, qui n'est toujours pas sorti, et peut-être qu'il ne sortira pas, nous ne saurons jamais. Mais voilà, c'est comme ça que j'ai connu. Ah oui, et ce que je voulais dire aussi, parce que du coup, là, l'émission, c'est principalement sport féminin, mais le roller derby, en fait, c'est un sport féministe intersectionnel où, en fait, on lutte contre toute forme de discrimination. Et nous, on est une équipe féminine et minorité de genre. Donc, c'est-à-dire qu'on a des femmes cisgenres, des personnes trans et des personnes non-binaires au sein de l'équipe qui ont été là, qui sont encore là ou qui peuvent venir à l'avenir. Alors, voilà. Précision importante, par contre, nous, c'est le sport au féminin. C'est tout sport confondu. Mais pour le roller derby, la précision est importante. C'est minorité de genre, ouais, c'est ça. Donc, tu es responsable du pôle cohésion. C'est pour ça que tu es là, surtout aujourd'hui. Et vous avez un fonctionnement collégial, c'est ça? Tout à fait. Ce qui est équivalent au CA, c'est surtout pour la forme administrative, parce qu'on est obligé d'avoir président, trésorier et tout ça. Mais là, on est vraiment divisé par pôle, de façon à peu près équitable entre toutes les personnes de l'asso. Effectivement, moi, je suis dans le pôle cohésion pour tout ce qui est en dehors des matchs et des entraînements. Mais je suis aussi dans le pôle événementiel, où je coordonne un petit peu... pour que les événements à domicile se passent bien. Impeccable. Donc le roller derby, c'est quand même un sport récent, avec beaucoup d'anglicisme. c'est pas forcément connu du grand public. Hein. On comprend ce que ça se passe sur des patins à roulettes et pas à cheval, puisqu'il y a roller, un petit indice dans le nom quand même. Mais tu peux nous expliquer dans les grandes lignes et en français comment ça se passe à peu près? Alors, du coup, dans le roller derby, il y a ce qu'on appelle le track, qui est le terrain, qui est de forme oblongue, c'est-à-dire pas ovale, pas rond non plus, mais un mix un peu des deux. Et on peut être 15 maximum par équipe pour jouer un match, et ça s'est coupé par tranche de 2 minutes de jam. Et sur ces jams-là, il y a 5 personnes par équipe qui peuvent être alignées. Dedans, il y a ce qu'on appelle les bloqueurs ou bloqueuses, et il y en a 4. Et il y a les jammeurs-jammeuses, qui sont les personnes avec l'étoile sur la tête. Voilà, et il y a aussi un troisième petit rôle, un gros rôle quand même, qu'on appelle les pivots. Et les pivots, c'est ceux qui ont un couvre-casque avec une bande juste au milieu du casque. Et ça, c'est une personne qui peut récupérer le rôle de jammeuse ou jammeur pendant un jam. Et le but, c'est que les jammereuses marquent des points en passant des bloqueurs et bloqueuses adverses. Et le but des bloqueurs et bloqueuses, bien entendu, c'est d'empêcher les jammeuses et jammeurs de passer. D'accord. C'est simple. Au final, c'est simple. Il y a plein de règles, mais c'est compréhensible. Il y a 30 pages de règles. Ouais. Qui sont évolutives, il me semble, en plus. Ouais, il y a des améliorations selon rendre le jeu plus sécur, parce que ça reste un sport de contact où on y va à toute balle en donnant des coups d'épaule, de hanche et compagnie. Alors forcément, il faut que ce soit quand même un minimum sécuritaire. D'accord. Ton poste à toi, c'est Surtout bloqueuse. D'accord. Jammeuse peut-être dans une autre vie. Voilà, mais pour l'instant, ça les empêche de passer. Oui, voilà, c'est ça. Roller Derby Nancy. Donc, comme dans le nom, il y a Nancy, c'est le seul club de l'agglo ? Du Grand Nancy, oui. D'accord, du département ? De la région ? Du département, il y a les Mystic Roller Derby, et dans la région, il y a, bon, y a Metz, il y a Roller Derby Metz, il y a Roller Derby Strasbourg. Belfort, c'est dans notre région ou pas ? Grande région, on va dire. Donc sur l'agglo, en fait, c'est le seul club. Ouais, vraiment, sur Grand Nancy, c'est le seul, ouais. Et donc, il y a combien de licenciés à peu près ? Si je ne me trompe pas, on est autour de 30 ou 33 licenciés dans l'assaut. Arbitres confondus, parce qu'on a aussi des licences arbitres. Il n'y a pas que joueuses. Ouais, c'est autour d'une trentaine, on va dire. D'accord. Et donc, en préparant l'émission, on parlait des prochaines échéances sportives. La saison est un peu finie. Donc, par contre, la prochaine échéance, c'est justement... les recrutements en septembre. Voilà. Donc, rendez-vous en septembre si vous êtes intéressé. Il y a des prérequis ? Avoir envie de... Même si on ne sait pas patiner, c'est OK. D'accord, vous apprendrez. Exactement. Merci beaucoup. Katharina, donc, entraîneuse de natation synchronisée au Grand Nancy Aquatic Club. On dit le Niac ? On dit le Niac, ouais. On dit le Niac, c'est plus facile à prononcer. Oui, c'est plus facile. Ouais, et puis c'est plus rigolo. Ça, c'est mieux. Donc, même question. Depuis combien de temps t'es entraîneuse ? Est-ce que tu es toujours nageuse ? Alors, donc, Katharina, moi, j'ai 32 ans. J'ai commencé à nager à l'âge de 9 ans. Donc, c'est un peu mon sport de cœur, de passion. Je fais tout natation petit. Artistique dès le départ ? J'ai commencé natation à, je dirais, 7 ans et j'ai vite bifurqué sur synchronisé. D'accord. Et au NIAC depuis une petite dizaine d'années, je dirais. Ah oui, quand même. Ouais. D'accord. Et du coup, t'es passée entraîneuse... Ah oui, je suis passée entraîneuse. Je me disais bien qu'il y avait une deuxième partie de question. Je suis passée entraîneuse il y a 7-6 ans, je dirais. Ah, bah, rapidement, en fait, quand même. Ouais, assez rapidement, mais j'ai continué de nager en parallèle. D'accord. T'es passée entraîneuse parce que ça te plaisait d'entraîner ou il y avait un besoin et puis tu t'es dit c'est l'occasion ? Il y avait un besoin dans le club et puis j'avais aussi envie d'essayer. J'aimais bien. Ouais. Puis vu que je passais dans l'équipe des vieilles, je voulais garder un contact. Alors en natation, on va dire, assure-moi, ça partait de quel âge on est... Bah, passé 18 ans, on est senior, quoi. Donc, ouais, d'accord. Oui, il faut comme beaucoup de sports, quand oui, même. Voilà. Le roller derby, ils sont un peu plus... Non. Ah, nous, on prend tout le monde. Ouais, il n'y a pas de classe d'âge. Ah, bon, on prend les vieux aussi, mais voilà. On est catalogués seniors. Si, il y a quand même, des niveaux juniors. En fait, en gros, ce qu'on peut dire adultes, selon les clubs, on prenne à partir de 16 ans. D'accord. Ce qu'on dit adulte, mais en fait ils sont considérés officiellement juniors jusqu'à 18 ans et il y a quand même différents niveaux. C'est juste qu'en France, il n'y a pas beaucoup d'équipes, je crois qu'il y a une dizaine d'équipes juniors en France qui ont quand même fini en deuxième position de Coupe du Monde Junior, l'équipe de France. Et donc par contre l'âge minimal c'est 16 ans? Alors en équipe adulte, ok, d'accord. Mais en junior... Je crois que c'est peut-être 7 ans qu'ils peuvent commencer. Alors, j'avoue, je suis pas assez renseignée sur le roller derby. Donc, junior. Vous, la plus jeune, c'est dans ton équipe ? Et ben, quand elle est arrivée, elle avait 16. Ok, d'accord. Voilà. Voilà. Donc, c'est une équipe adulte. Ouais. Prochaine échéance. Donc, Katharina, toi, par contre, vous avez une belle échéance qui arrive. Oui, on a le gala qui sera au mois de juin. Alors, c'est le 8 juin. Le 8 juin à 18h à la piscine de la Neuville devant Nancy. Et le dimanche 9 juin, le lendemain, donc à 15h. Voilà. Donc, si vous avez envie de découvrir la natation synchronisée, voilà. C'est l'occasion. C'est avec grand plaisir. Donc, nous sommes là aujourd'hui pour parler esprit d'équipe et cohésion. Roller derby, natation synchronisée sont deux sports d'équipe. C'est pour ça que vous êtes là d'ailleurs. Les qualités physiques, je serais tentée de dire qu'on les distingue assez facilement. Alors, on va dire. La force et la grâce du cygne couplées aux capacités respiratoires d'Ariel la petite sirène, pour une, ouais. Ça te convient ? Un peu plus d'adresse et d'équilibre que Bambi associé à la combativité de Teddy Riner, pour l'autre, ça te convient aussi ? Ouais. J'exagère à peine. Donc la première question, donc ça c'est les qualités physiques. Visibles, on va dire, pour le grand public. Allez, je me considère comme grand public. Quelles sont les qualités morales attendues dans vos disciplines ? Morales. Donc en termes de ce qui va favoriser la cohésion d'équipe. Je ne sais pas qui commence, Katharina, si tu veux. Ouais, moi je dirais qu'il faut quand même une certaine rigueur parce qu'on a une chorégraphie, des formations à suivre. Et c'est quand même assez contraignant, on ne peut pas se placer n'importe où dans la piscine. Donc il y a une certaine rigueur, une discipline à suivre. Et puis, il faut quand même une certaine hargne parce que c'est très intense. C'est intense. C'est court. Mais niveau cardio, très très intense, donc faut avoir envie, quoi. Faut avoir une niaque. Ça va bien avec le club, en plus. Voilà. Donc, un caractère fort quand même, ouais, quoi. Ouais, d'accord. Ouais. Marie-Eva ? Alors, vaste question. Il faut de la rigueur aussi, c'est sûr, parce que c'est un sport de contact qui à la fois est très cardio, il faut beaucoup de renforcement musculaire aussi, parce que comme on peut se prendre des impacts à toute balle, si on n'a pas du tout de renforcement musculaire, en général, soit on fait un vol plané d'un mètre, soit on choie systématiquement. Donc il faut être prête mentalement à encaisser des chocs. Déjà ça, et aussi quand même avant tout, parce que je parlais de l'inclusivité plus tôt, mais vraiment dans le roller derby, c'est le maître mot, c'est l'inclusivité, et faire attention à ça, que ce soit sur le mégenrage, sur des propos qui pourraient être racistes, grossophobes, il y a vraiment ce souci-là de prime abord dans le roller derby, parce que vraiment si on n'est pas une personne inclusive... C'est vraiment l'esprit initial, quoi. C'est ça, il y a le sport en lui-même, on est d'accord, mais si on n'a pas un esprit vraiment inclusif, et faire attention à quand même un minimum se renseigner et faire attention en fait à ce qu'on peut dire aux gens, ce qu'on devrait faire dans la vie de tous les jours, mais c'est pas non plus à qui. Ça, je pense que c'est vraiment la priorité absolue, et ensuite plus ce qui va être et de la rigueur, du renforcement musculaire, le côté sportif, voilà c'est ça. Donc du coup j'allais demander s'il y avait des traits de caractère rédhibitoires, donc pour le roller derby ça va être vraiment c'est d'être sectaire et des choses comme ça, quoi. Ouais, je sais pas, quelqu'un de raciste, transphobe, LGBTophobe, voilà. sexiste, la liste est longue. Et toi, Katharina, des caractères rédhibitoires? Chez nous, c'est un peu plus vieux jeu que ça, je trouve. Il y a pas, on a encore. Oui, on est un peu plus vieux jeu dans la synchro. Des traits de caractère rédhibitoires. Non, je vois pas. Je sais pas. Non, non. Finalement, c'est assez vaste. Ouais, bah faut toujours avoir l'envie et la motivation, quoi. Sinon, voilà, comme tout sport. Quoi, à aucun moment donné, on se dit bon, alors lui, au niveau recrutement, enfin elle, pardon, au niveau technique et physiquement, ça serait le top, mais dans l'équipe, ça va vraiment pas le faire, quoi, parce que trop grande bouche. Après, s'il est très bon en technique, on le mettra en solo. Et puis, il y a des épreuves solo. Il y a des épreuves solo, duo et équipe en par 8. Donc équipe par 8. Ouais. Donc au niveau des recrutements, ça se passe comment donc, du coup? Alors on recrute à partir, je crois que c'est 6 ans qu'on peut commencer. Au début, il faut savoir nager. Il y a des tests physiques quand même. Il y a des tests physiques, natation et souplesse. D'accord. Idéalement, nous, il nous faudrait une ancienne nageuse et une ancienne danseuse. D'accord. C'est le top pour faire ça. Une ancienne nageuse qui apprend à danser et oui, une ancienne c'est danseuse idéal. Qui apprend à nager, c'est ça. Pour intégrer l'équipe adulte, est-ce qu'il y a une petite période d'essai pour voir si ça match ou vous prenez tout de suite ou On a différents niveaux. Donc, si tu veux commencer... En fait, il faut avoir plusieurs années de technique pure et dure pour pouvoir faire des balais et s'amuser un peu. Donc, les premières années, ce sera vraiment loisir sans compétition. Mais tu peux commencer à n'importe quel âge. Et après, nous, on a des équipes loisirs pour apprendre les bases. Et puis après, à partir de... Je crois qu'on recrute à 6 ans, si je ne dis pas de bêtises. Et puis, on gravit les échelons petit à petit... D'accord, on peut pas commencer adulte, c'est trop compliqué. Si, on peut, mais c'est compliqué. Honnêtement, c'est compliqué, mais ça se fait. On a une équipe adulte, d'hommes et femmes, et ça va très bien. D'accord. Ouais. Et toi donc, Marie-Eva ? Eh ben, nous du coup, on a ce qu'on appelle des minimum skills, donc c'est les compétences minimum encore à devoir... Exactement, mais il n'y a que ça dans le monde d'envie. C'est des compétences minimum à devoir valider, mais en fait, ça, c'est pas rédhibitoire au recrutement, parce qu'en fait, comme je disais tout à l'heure, on recrute aussi des personnes qui savent pas du tout patiner, qui vraiment sont des bambis incarnés sur les patins, et on apprend aux personnes à patiner au fur et à mesure, et c'est pour ça qu'on prend à n'importe quel âge. Enfin, on a déjà eu des personnes qui sont arrivées à 44 ans dans l'équipe, même plus, je crois que c'est déjà arrivé certaines années. Donc il n'y a pas de limite d'âge à part l'âge minimum de 16 ans où on ne prend pas en dessous de 16 ans. Et il y a une petite période d'essai quand même pour savoir si ça match dans les deux sens. Hein, bien sûr. Dire, c'est, ça peut être aussi la personne qui finalement se rend compte que ça ne lui plaît pas. Ou, En général, on donne un mois à peu près, on se dit un mois, et puis au bout d'un mois, on commence à dire aux personnes à demander les dossiers d'inscription pour faire les licences, etc. Donc un mois, ça laisse quand même... On a le temps de voir l'esprit de l'équipe et si ça nous convient ou pas. Quoi. Ça laisse à peu près 3 à 4 entraînements pour que les personnes puissent voir si ça leur botte ou pas, sachant qu'il y a des personnes parfois au final qui vont s'inscrire et rester juste pour l'arbitrage, parce qu'en arbitrage il y a des personnes sans patin et des personnes sur patin. D'accord. Donc c'est là où c'est utile aussi de pouvoir apprendre à patiner et les règles, etc. Même si on veut pas faire ce qu'on a, ce qui leur font peur, c'est le contact à proprement parler qui ouais, de se prendre vachement des intense. Coups quoi. C'est ça. ce qui est complètement ok, mais du coup voilà, là il y a pas de critères particuliers, aucun critère physiquement à part le fait d'avoir envie d'avoir de envie. Patiner et de connaître le roller derby. Et donc du coup, en termes de cohésion, est-ce que vous avez déjà eu une expérience de raté de recrutement, c'est-à-dire que bon, il y a quelqu'un qui est venu, ça se passe bien au début et puis finalement qui a plombé l'ambiance ou qui était pas fiable sur les sur la durée au niveau des entraînements pour venir, ou un conflit d'ego, ou vous avez déjà eu une expérience négative? Oui, moi on en a déjà eu. Bah, les trois exemples que tu as donnés, je crois. Les trois. Je crois qu'on les a eus. On a eu un conflit d'ego avec une nageuse qui venait d'un autre club qui nous rejoignait pour une année. Elle nageait très bien, en effet, mais un ego pas possible. Démesuré. Il fallait toujours qu'elle soit en avant, fallait qu'au gala, elle soit tout devant pour que sa famille la voie, fallait qu'elle soit devant dans toutes les formations. T'es là, non, mais ça va pas du tout aller. La piscine n'est pas assez grande. Hein. Et en plus, elle venait très peu aux entraînements, donc voilà, on s'en évite. Et on en a une autre qui était aussi une très bonne nageuse, qui venait du Sud, qui nous entraînait et qui nous a... Bon, qui a pété un câble, je sais pas pourquoi, qui nous a abandonnés à... 2 semaines de la compétition. Ah oui. Elle nous a complètement lâchés, donc. Ah oui, au niveau cohésion là. Ah mais là, c'est vraiment de très mauvais exemples. Et donc comment on gère ça? Et ben. Comme on peut. Grâce aux autres, grâce à la cohésion des autres. Et puis on avait une autre copine qui entraînait une autre équipe qui a pris le relais. Et puis on s'est voilà, ça, dans un sens ça soude aussi l'équipe, hein, oui. Parce que quand dans la difficulté, galère, dans l'adversité, voilà, quoi. Exactement. Quand t'as une galère, et ben là tu vois, si t'as envie que ça marche, tu fais tout pour que ça marche, même face à la galère. Donc c'était on s'en souvient au moins. Elle aura servi au moins à soulever le reste de l'équipe. J'espère qu'elle écoutera cette émission. Alors on va faire une petite pause musicale proposée par Marie. Donc Marie, je te laisse présenter ce qu'on va écouter. Marie Eva, pardon. Et ben c'est une ancienne joueuse de l'équipe qui était jammeuse avant, qui s'appelle Guévaudan, Lou de son prénom, qui a fait cette musique avec un de ses amis. Voilà. Et donc on écoute sur le roller derby. Ouais. Ça se démarque en bande, je confonds les Kazakhs. Je connais bien celle qui a l'étoile sur son casque. C'est beau, je mate les règles, en 2 tours je les capte. L'arbitre parle anglais, je crois son délire m'attrape. Damn, ça pousse à toute allure. Tout ont un truc, personne fait de bavure. J'ai pas pu monter depuis tout à l'heure. La team NCY crée l'écart, elle assure. Première mi-temps, la salle danse en avance. Public on fire, pas de main dans la poche. C'est pas tourner en rond, c'est juste trouver du sens. Sur le parquet, on a mis du scotch. Pas de vent, mais y'a raz-de-marée. Roller derby, c'est s'imposer. La lutte en place va avancer. Y'a plus d'un sac à vider. Les deux pieds posés sur ses quads. Sans complexe, elle tape un apex. Ça fait la jam et en face ça bave. Jamais pour la gagne, mais elle est dans la pièce. Les deux pieds posés sur mes quads. Sans complexe, je tape un apex. À peine une jam, on dirait que t'en baves. En aigle, je passe, je te fume et je flex. 5 contre 5, comme tes parcs pour la rix. Bien préparé, on conçoit tous les risques. 5 contre 5, c'est nos choix pour nos corps. Nous affronter, franchement, c'est pas la mort. Ensemble sur la piste. Y'a pas de quartier. On a dit qu'on en ferait des 10 pâtés. En 2 coups de coude, on vient, on décapsule. Surveille tes yeux, on restera pas en pull. Dérangeant d'entendre cet habit, comment comprendrez-vous quand on cassera des dents? En 2 jams, on enchaîne, tu traînes, on s'amène, tu peines. On a le lidon, mais n'est pas la haine. C'est les graines que tu sèmes. Les deux pieds posés sur ses quads. Sans complexe, elle tape un apex. Ça fait la jam et en face ça bave. Jamais pour la gagne, mais elle est dans la pièce. Les deux pieds posés sur mes quads. Sans complexe, je tape un apex. À peine une jam, on dirait que t'en bats. En aigle, je passe, je te fume et je flex. Pas bis, ça va vite. Patrice, ça glisse, ça médite. Le roller derby envoie rouler, bouler tous les vis. Pas bis, ça va vite. Patrice, triche, ça glisse, ça médite. Le roller derby envoie rouler, bouler tous les vis. De retour dans l'émission Défi Sport, l'émission qui donne la parole aux filles qui font du sport. Donc on poursuit, on est toujours avec Katharina et Marie-Eva sur notre thème du jour, l'esprit d'équipe et la cohésion. Alors question suivante, hein, je vous la pose à toutes les deux. Est-ce que selon vous, c'est le capitaine ou l'entraîneur le garant de la cohésion d'équipe, hein, ou est-ce que ça peut être complètement quelqu'un d'autre, un autre individu dans l'équipe? Alors nous en synchro, on n'a pas vraiment de capitaine. Il y a toujours des fortes têtes, on va dire, mais il n'y a pas vraiment... Il n'y a pas de leader désigné? Non, ce n'est pas désigné. D'accord. En tout cas. Pour la cohésion d'équipe, je pense que l'entraîneur est important, mais pour moi, ce n'est pas lui qui fait tout. Non? Non. Il donne quand même... L'impulse, quoi. Il donne l'impulsion. Mais ce qui se passe sous les douches ou dans les vestiaires, lui, il n'est pas toujours dans les douches. Voilà. Donc, il y a toujours, c'est important que l'équipe s'entende bien. Donc, il peut y avoir des leaders de vestiaire, quoi. Ouais, ça, exactement. Quelqu'un qui met l'ambiance dans le vestiaire. Après, si on a un entraîneur qui n'est pas dans un bon mood, qui n'est pas dans une bonne ambiance... Ça prend pas. Je ne suis pas sûre que ça prenne. Voilà, même si quelqu'un, même si les autres nageuses pouvaient s'entendre, ça va coincer. Ou alors quoi. L'équipe va se montrer contre l'entraîneur, donc ça, c'est pas... Non, c'est pas mieux. Positif non plus. C'est la cohésion, mais pas dans le bon sens. C'est ça, ouais, c'est ça. Marie-Eva ? Ben, dans le rugby, c'est vraiment propre à chaque équipe, mais en tout cas, à Nancy, alors il y a des capitaines pour chaque match désigné qui peut prendre des fautes. Ça des change capitaines. À chaque match. Alors nous, on a eu principalement une personne qui s'appelle Anaïs, qui a été beaucoup capitaine, et une autre personne qui s'appelle Anaïs, et qui est donc la mineure qui est de notre équipe, qui a 17 ans actuellement, qui était la dernière capitaine, donc toutes deux appelées Anaïs. Donc oui, ça nous arrive de changer, mais en fait. C'est les critères de recrutement, faut s'appeler Anaïs. Faut s'appeler Anaïs pour être nos capitaines. Voilà, sinon t'as pas de chance. En fait, en général, dans notre équipe en tout cas, les personnes qu'on choisit comme capitaines, c'est des personnes qui font peu de fautes. Parce que comme les capitaines peuvent se prendre des fautes de capitaine, vaut mieux que ce soit quelqu'un qui en fasse pas beaucoup, quoi. Donc en général, on met pas de jammeuse. Parce que jammer et jammeuse ont tendance à faire un peu plus de fautes que bloqueurs et bloqueuses, même si ça veut pas dire qu'on fait pas de fautes en tant que bloqueuse. Moi, par exemple, j'en fais souvent. Capitaine, c'est le souffre-douleur, quoi. Il se prend toutes les fautes des autres, en fait. Non, mais on essaye de faire en sorte de... D'accord. De pas faire de fautes de capitaine. D'adoucir sa peine. Mais, en fait, même si les capitaines, s'ils ont envie, peuvent lancer des petites paroles valorisantes, etc., c'est vrai que ça va plus être ce qu'on appelle les benches. Enfin, en gros, les coachs qui sont avec nous sur les bancs. C'est plus, les benches qui vont un peu remotiver les troupes, etc. Mais globalement, dans l'équipe, dans le fonctionnement à l'année... Je trouve qu'on est un peu toutes et tous actrices, acteurs de la cohésion. Ouais, finalement, il n'y a pas de leader qui se détache. Non, chacun ses qualités et apporte ses qualités. Ouais, c'est ça. Et puis, de façon très différente. Ok, moi, je suis dans le pôle cohésion et je propose surtout des réseaux parce que c'est ça qui fédère le plus. C'est ça. Mais, un bon exemple que j'ai là-dessus sur la cohésion, c'est par exemple, alors une partie de Nancy cette année a fait les championnats avec une autre équipe qui était Roller Derby Melun. Et par exemple, il y a eu un match où vraiment on se faisait rouler dessus par des mastodontes du Roller Derby. C'était contre l'homme Roller Derby, leur équipe B qui sont très très forts et très très fortes. Et il y a une grosse partie où c'était un match vraiment très dur. Et à un moment donné, en tout cas la ligne sur laquelle je jouais, on était principalement de Nancy, et ben, on s'est un peu toutes motivées. Et c'est grâce justement aux interventions de nous cinq, en tout cas sur notre ligne, qui a fait qu'on a fini par se sortir mentalement. Comme Katharina dans l'adversité, quoi. Et c'est vraiment... ça, mais où en gros c'est un peu les uns et les unes les autres, où on se motive mutuellement et où on... Où ça permet de vivre des moments cool et de renforcer la cohésion, même dans des moments super durs. Alors là, pas par l'abandon de personne, mais par le fait de jouer contre des gens très, très, très, très forts. D'accord. Une question suivante, c'est est-ce que la cohésion se travaille essentiellement donc sur le terrain, sur le bassin? T'as répondu un petit peu à moitié, Marieva. Ou est-ce que ça joue également à l'extérieur? Donc bah du coup, Katharina, qu'est-ce que t'en penses? Resto, bar. Les deux. Oui, bah non, on fait aussi resto et bar souvent après les entraînements. On a plus soif après tant d'eau. Non, on a une petite tradition de toujours faire Noël ensemble, par exemple, des trucs comme ça. Ah oui, alors justement, j'allais demander, c'est des fêtes traditionnelles, quoi. C'est pas juste pour célébrer des matchs, des victoires. Oui, non, des défaites, etc. Faites des choses comme ça, des Noëls, des anniversaires? Non, pas tous les anniversaires, mais on fait les Noëls. Après, il y a des groupes qui sortent un peu plus que d'autres, en fonction des âges. Et puis, là, par exemple, j'ai un exemple assez récent. Il y avait des petites tensions au sein de notre équipe. Et puis, on était à, je sais pas, 2 semaines de notre première compétition, donc on avait encore beaucoup de choses à réviser. Et puis, pour autant, on voyait que ça avançait pas, que ça marchait pas, ça prenait pas dans le bassin. Donc, on s'est dit, pour défaire tous les nœuds qu'il y a, là, on va se faire un resto à la place de l'entraînement. Donc, on a quand même squeezé un entraînement alors qu'on était à 2 semaines de la compète, et on a fait un resto et ça a permis de, on a parlé, on a dit ce qui allait pas, ce qu'on n'arrivait pas à se dire au bord du bassin, et l'entraînement d'après, on a perdu un entraînement, on en a gagné 3 sur le... Exactement, sur... après ça allait vachement mieux, et des fois c'est utile, quoi, il faut... C'est pas forcément dans l'eau qu'on va créer, monter la mayonnaise, on va dire, pour la cohésion. Ouais. D'accord. Est-ce que vous considérez vos coéquipières comme des amis? Moi oui, complètement. Toutes? Ou alors il y a plus d'affinités avec certaines. Il y a plus d'affinités avec certaines, bien sûr. Certaines avec qui je nage depuis plus longtemps, bien sûr, mais j'en ai 3-4, clairement. Pour moi, c'est des amis, ouais. D'accord. Marieva aussi? Ouais, pareil, il y a des personnes où vraiment c'est devenu même des amis proches. Il y a une personne qui est devenue ma copine tout court, ma partenaire. Ah oui, d'accord. Voilà. En plus, vu qu'on est une petite équipe, forcément, on passe plus ou moins de temps ensemble, à peu près toutes les personnes, au moins à un moment donné. C'est vrai que le sport, on passe beaucoup, beaucoup de temps avec. Déjà, juste avec le sport, mais aussi dans les temps à côté. Hein. C'est ça. Presque, ça devient une deuxième famille, quoi. Complètement. Oui, clairement. Complètement. Pour moi, c'est... Une petite dernière question au niveau mixité. Alors, c'est du coup, Marieva, tu nous as déjà un petit peu expliqué les grandes lignes de l'esprit du roller derby, donc ça sera plus pour Katharina. La natation synchronisée, avant, c'était une discipline uniquement féminine, et jusqu'à peu, elle s'est ouverte aux hommes. Donc, je crois que vous avez un homme dans l'équipe. On a un homme dans notre équipe, un Espagnol, Roré, qui nage avec nous depuis... 3 ans, si je dis pas de bêtises. Ouais. Et puis après, au niveau international, ils ont intégré les hommes au dernier JO. Ouais, j'ai vu ça. Seulement pour les duos mixtes. D'accord. Maintenant, on peut avoir un homme dans l'équipe. Et les hommes font des solos aussi maintenant. D'accord. Alors, au sein de l'équipe, ça va être un avantage, je pense, pour les porter. Déjà, ça peut apporter ça. Pas forcément. Non. Ah non, tu vois, non. C'est préjugé. Oui, ils ont plus de force peut-être, mais ça dépend. J'ai nagé que avec Roré là en question, donc je connais pas vraiment la force de tous les hommes, mais c'est pas forcément avantageux. D'accord. C'est plus technique, en fait. Ouais, c'est un peu plus technique. Après, pour l'instant, vu que c'est trop récent, les hommes qui nagent, on nage pas depuis aussi longtemps que les femmes qui nagent. Ouais. Donc si je prends quelqu'un qui a la même expérience que moi, par exemple, peut-être qu'un homme sera meilleur. D'accord. Mais on n'a pas encore assez de recul. Ah oui, il n'y a pas assez de recul. Ouais. Et par contre, en termes de mixité dans l'équipe, qu'est-ce que ça apporte d'avoir un homme? Pas grand-chose, ça change rien. C'est plus intriguant que... Intriguant, parce que c'est rigolo, parce que c'est un sport... Pour le coup, c'est très vieux jeu par rapport au roller derby, c'est un peu tradit. Donc on n'a pas l'habitude de voir un homme nager avec nous, parce qu'on est, coiffé, tire les cheveux, tire en arrière, on est maquillé, on a des tenues à paillettes. C'est très girly, quoi, donc... Quand on a un homme, c'est vrai que tu te dis comment il va se coiffer, quel maillot il va mettre, quoi. Mais l'intégration dans l'équipe, ça s'est bien passé quand même. Ah oui, absolument, très très bien. Oui, bon, il a pas le même maillot quand même. Il a pas le même maillot, non, mais on fait en sorte qu'il ait le même motif à peu près, sur moins de tissu, mais il est très bien intégré, il y a aucun problème. Oui, il invite au repas quand même. Oui, il invite au repas. Même s'il est pas maquillé, c'est bon, il a le droit. Mais après, du coup, dans notre équipe, là, tout de suite, il n'y a pas d'hommes trans, mais il y a plein d'équipes où il y a aussi des hommes trans qui peuvent aussi mettre des paillettes. Il y a aussi des équipes masculines et minorités de genre. Il n'y a pas d'équipe exclusivement masculine, c'est toujours masculine et minorité de genre. Peut-être qu'il y a des équipes où il n'y a pas de minorité de genre avec LE, mais c'était surtout coup, au niveau nous on met pas les paillettes comme catégorie féminine. C'était pour le joke, mais au niveau cohésion, ça apporte quelque chose, tu penses, d'avoir des c'est des êtres humains au même niveau que les autres et pas plus de valeur, pas moins de valeur. Non mais peut-être je sais pas, justement un regard différent, même pas. Non, c'est transparent, c'est totalement transparent. Bah donc il y a pas de plus, il y a pas de moins. Bah là nous on n'a pas d'hommes cisgenres dans notre équipe et à l'heure actuelle il y a pas d'hommes trans non plus, il y a des personnes non binaires mais vraiment chaque personne sont considérées apporte sa pierre à l'édifice de toute façon. C'est ça. D'accord. Alors on arrive à la conclusion. Donc pour conclure, j'aime bien poser une petite question à vous deux. C'est qu'est-ce que vous avez pensé du témoignage de l'autre? Est-ce que vous y retrouvez? Alors, il y a un côté tradi, on va dire, natation synchronisée par rapport au roller derby, ça tu nous l'as dit. Sinon, niveau cohésion, finalement, vous êtes tombés d'accord sur le resto, plus ou moins. Hein. Ça, je pense que vous faites ça après. Et sinon, donc, ça vous retrouvez. Sinon, est-ce qu'il y a des points sur lesquels vous y pensiez pas forcément et que vous avez. Vous pourrez peut-être. Et utiliser ? Non. Non, moi je connais très peu le roller derby, mais je pense que pour moi tous les sports d'équipe, pour moi c'est le top niveau, même niveau mentalité, je trouve que ça construit, enfin moi qui fais de la synchro depuis que je suis petite, je trouve que ça m'a construit aussi mentalement, que ce soit dans ma vie de tous les jours, que ce soit au travail, c'est... Enfin, pour moi, c'est hyper important de travailler en équipe, ça t'ouvre l'esprit, quoi. Et je pense que n'importe quel sport d'équipe. Donc tu te retrouves complètement, dans les propos de Marie-Eva. Oui, carrément. Voilà. Et toi et Marie-Eva, pareil ? Ouais. Sauf les paillettes. Non mais on adore les paillettes et on en met énormément, mais c'est plus pour dire que c'est pas propre à la féminité à nos yeux de mettre des paillettes, quoi. Voilà. Ouais. Rien de plus à ajouter finalement. D'accord. Et c'est très bien. Donc ça sera tout pour aujourd'hui. Merci à Marie-Eva. Merci à Katharina pour leur témoignage. Merci de nous avoir écoutés et à la prochaine pour un nouvel épisode de Défi Sport, l'émission qui donne la parole aux filles qui font du sport.